L'école sera la vibration entre les hauts biens et l'âme. C'est ce phénomène que je vais commencer à expliquer bientôt. Quand je dis que la vie, ce n'est pas ce que nous connaissons, et que la vie a ses propres lois, et que lorsque l'homme fonctionne en fonction de la vie, des forces de vie, il n'est plus libre de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il ne peut plus fonctionner en fonction de ses idées. Il ne peut fonctionner qu'en fonction de son intelligence. C'est pourquoi ceux qui formeront l'école, à quelque niveau que ce soit, le formeront quand ils seront très près d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'auront pas de support, autre peut-être que la mémoire que j'aurai laissée, la mémoire immense de mon travail, qu'ils pourront vulgariser, mais ils n'auront pas d'autre support que de leur propre intelligence. Autant je déteste dramatiser la situation de l'homme, autant je sais que la pénétration de l'homme derrière le voile des mystères de la connaissance implique une liaison extrêmement rigide entre certains plans d'énergie et lui-même. Vous savez, quand vous veniez dans le séminaire, je disais, après moi, il n'y a plus rien. Si vous avez des maîtres, vous pouvez les voir, mais un jour, vous serez obligé de laisser tomber. Ça paraît dramatique quand je dis ça dans un séminaire, mais éventuellement, on s'aperçoit que c'est comme ça. Parce que vient un moment dans la vie de l'homme où il n'a plus d'autre accès que ce qui vient en dernier de tout. Et ce qui vient en dernier de tout, c'est à la conjonction de l'involution et de l'évolution. À ce moment-là, l'homme est laissé seul à lui-même. Et c'est cette condition d'être seul à lui-même qui sera la force de l'école, de cette nouvelle école. Il faut que l'homme apprenne à comprendre ou à saisir des choses sans les comprendre intellectuellement, seulement par vibration. Et l'homme maintenant a suffisamment de support vibratoire et a suffisamment de connexion entre son mental inférieur et son mental supérieur pour comprendre ce que je dis, pour réaliser ce que je dis. Parce que quand je parle, ça crée dans le mental une réaction qui crée une résonance qui amène du matériel qui vous permet d'avancer en fonction de ce que je dis, pour que vous puissiez comprendre vos propres coordonnées à vous. Même. L'homme ne doit plus être seul dans l'esprit. Il doit être seul dans son mental. Mais il ne doit plus être seul dans son esprit. L'homme doit avoir une communication. L'homme doit avoir une aisance de communication. Il doit avoir le pouvoir de communication, le pouvoir de communication télépathique avec les plans qui font partie de sa conscience universelle, multidimensionnelle. Et l'homme entrera dans ce cycle dans quelques mois. Il y aura chez vous des changements vibratoires qui vous permettront de réaliser certaines choses, pas tout le monde, mais qui vous permettront de réaliser certaines choses. Et ces changements sont en fonction du raffinement des rapports entre tous les gens qui déjà sont dans la résonance. L'homme doit se créer, il devra se créer et se créera sur la terre, éventuellement, ce que j'appelle un sanctuaire. Ça prendra un certain nombre d'années. Et quand je dis l'homme conscient, pas l'homme spirituel. Et l'homme ne peut pas savoir aujourd'hui où est ce sanctuaire, où il est situé dans le monde. L'homme se créera un sanctuaire. Et dans les années qui viennent, il y aura des activités qui mèneront vers ceci, éventuellement. Et les écoles qui seront établies un peu partout serviront de point d'attache, de point de repère à d'autres hommes qui viendront et qui éventuellement iront vers ce sanctuaire-là. Mais c'est inutile pour nous de penser à ceci en termes d'idées. Ça fait partie de l'évolution de l'homme. C'est quand ça va mal qu'on réalise certaines choses, c'est quand ça va mal qu'on comprend certaines choses, c'est quand le temps passe qu'on réalise qu'effectivement, les événements se développent selon un plan d'action qui est généré par l'intelligence et les forces d'évolution. Et dans les années qui viennent, l'homme réalisera qu'effectivement, il ne peut plus vivre psychologiquement en fonction de la société. Il est obligé de vivre créativement en fonction de lui-même et d'autres personnes qui sont sont sur sa longueur d'onde. C'est pourquoi nous serons obligés au cours des années, surtout après que j'aurai cessé mes activités en public, les hommes seront obligés de se regrouper amicalement. Et c'est là que sera formée cette école. L'école commencera après mon départ. L'école ne commencera pas avant mon départ, mais elle commencera après mon départ. Et l'école sera le résultat de la nécessité à l'homme de détruire sa solitude en créant un cercle amical. C'est le vide que je laisserai dans le monde qui fera que les hommes créeront une école. Autrement dit, l'école sera la survie psychologique consciente de l'homme nouveau. C'est là que que vous pourrez échanger et fraterniser et avoir du plaisir de vie et aussi de construction au cours des années qui viendront. Et c'est le pouvoir de ce travail, l'explosion, la diffusion de ce travail, vous sera connu au cours des années et se fera graduellement selon le plan d'évolution de l'humanité. La planète Terre est une planète très, très petite. Et elle est dans un éther. Et cet éther devient de plus en plus dense. Et les gens, il y a des hommes sur la Terre qui sont réceptifs à certaines énergies, à certaines vibrations. La province de Québec, ce travail-là, il est accentué à cause de ma présence ici, mais dans le monde, le travail se fait pareil. Mais le travail qui se fait dans la province de Québec sera éventuellement connu dans le monde entier. Et les forces des individus qui sont récepteurs dans le monde entier viendront vers cette province de Québec. Et c'est là, à ce moment-là, que cette école deviendra de plus en plus connue, reconnue. Mais pas dans le sens que les écoles étaient connues dans le passé, dans un autre sens que l'homme connaîtra. Un sens beaucoup plus raffiné, beaucoup plus discret, beaucoup plus particulier que les écoles que nous avons connues au cours de l'évolution. Quand je dis que les idées sont sataniques, je vous dis quelque chose qui ne se dit pas, qui ne se pense pas. Ça peut se vérifier par vous-même. Si vous vous demandez dans la tête si c'est vrai ce que je dis, regardez les réponses qui viennent. Donnez-moi comment est-ce qu'on dit? Des exemples. L'absolu. Un autre. C'est juste. Un autre. C'est fascinant. Un autre. C'est juste ça. Un autre. Je savais. C'est la réponse qui vient. Un autre. Pardon? Assurément. Un autre. Pour ceux. Regardez que toutes les réponses sont les mêmes, mais différemment expliquées. Intéressant. Et vous savez, j'ai déjà dit que la connaissance, c'est une illusion. La connaissance, c'est tout ce qui se pense. Alors, si tout ce qui se pense est illusion, tout ce qui est satanique est illusion, la pensée est illusion. Et ça mène l'homme très loin parce que ça mène l'homme aux confins de son histoire. Ça mène l'homme aux confins de sa mémoire. Et l'homme, un jour, doit arriver aux confins de sa mémoire. L'homme, un jour, doit être un canal suffisamment clarifié, suffisamment pur, pour que l'intelligence puisse descendre sur le plan matériel. Donc, il ne faut plus qu'il y ait d'idées possibles en lui qui retardent la descente de cette énergie et qui empêchent sur le plan matériel la formation d'une école. Quand je dis qu'une école se formera, je dis que les conditions, la base de cette école, elle est établie, mais elle se développera avec les siècles. Donc, avec les siècles, il y aura des hommes qui diront des choses que moi-même, je n'aurais pas dites. Parce que l'école aura son propre souffle. L'école ne sera pas dominée par une pensée philosophique qui serait la mienne. L'école aura sa propre vibration, les hommes auront leur propre intelligence et les hommes créeront des pensées neuves à l'intérieur de cette école. C'est la différence entre cette école et les anciennes écoles. Donc, ceux qui seront attachés à cette école auront une très grande responsabilité sur le plan humain, parce qu'une fois qu'on commence dans un travail comme ceci, ça n'arrête plus. La maturité de l'homme, elle commence au lit. Et la maturité, c'est très important parce que la maturité, c'est la mesure de ce que l'on dit. La maturité, c'est la mesure de ce que l'on dit, c'est la mesure de ce que l'on peut dire. C'est ça de la maturité. Et un homme qui ne peut pas mesurer ce qu'il dit n'est pas dans la maturité de ce qu'il sait. Donc, il n'est pas encore dans l'intelligence de son double. Et pour que les hommes apprennent à parler, ils sont obligés d'apprendre à se connaître. Et pour apprendre à se connaître, il faut parler beaucoup avec d'autres hommes. Parce que c'est en parlant entre vous que vous allez apprendre à vous connaître. Ce n'est pas seul. C'est impossible à l'homme de se connaître par lui-même. Il faut qu'il parle avec d'autres hommes et qu'il y ait de l'interaction entre les deux pour que des chocs se créent et que le changement du corps mental et du corps émotionnel s'effectue pour que le canal se forme. Si vous ne parlez pas avec d'autres, vous ne pourrez pas apprendre à vous connaître. Alors, les gens qui ont tendance à être solitaires, qui sont gênés, ne pourront pas apprendre à se connaître. C'est très important la communication entre les hommes. C'est fondamental dans la nouvelle évolution. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle, au cours des mois qui viendront, je m'organiserai pour qu'il y ait un centre dans la province de Québec, je ne sais pas où encore justement, là, mais qu'il y ait un centre, une place, un endroit, un genre club privé, place fermée pour les séminaristes, où les gens pourront s'amuser, jaser ensemble, prendre un verre ensemble, jouer au pool ensemble, s'amuser ensemble, faire des conférences ici. Ceci permettra aux gens de se rencontrer. Mais il y aura à l'intérieur de ce centre une cloison. Autrement dit, il y aura à l'intérieur de ce centre un endroit fermé où certaines personnes auront accès, mais où tous n'auront pas accès, pour ne pas troubler l'éther qui sera formé ici. Parce que cet éther sera magnétique. Et les gens iront vers cet éther éventuellement lorsqu'ils en auront la vibration. Autrement dit, il y aura à l'intérieur de ce cercle un autre cercle. Et cet autre cercle sera maintenu, contrôlé, établi par ma sensibilité. Ensuite, le noyau étant formé, les gens pourront entrer dans ce noyau au fur et à mesure qu'ils seront comme du monde. Quand je dis que l'homme est comme du monde, je dis quand l'homme est capable d'être présent dans une collectivité, ne pas troubler l'éther. Aussitôt qu'une personne trouble l'éther d'une collectivité, il n'est pas comme du monde. Ah. Il est en quarantaine pendant une certaine période de temps. Il y aura des gens qui se révolteront peut-être contre ceci. Normal. Mais ça doit être fait ainsi. Ceux qui ne pourront pas vivre ceci ou accepter ceci, sont pas obligés. Il doit se former un cercle. Il y en a un cercle présentement formé. Tous les scénaristes, il se formera un cercle à l'intérieur de ceci. Et ce cercle deviendra la mesure vibratoire de l'autre. Et l'autre, éventuellement, se fondra dans celui-ci. Donc, celui-ci deviendra plus grand avec le temps. Mais déjà, en partant, il aura une vibration suffisamment haute pour aller et prendre du volume au fur et à mesure que celui-ci entrera en lui. Et ce sera la mécanique de la formation de cette nouvelle école. La nouvelle école sera formée par la construction d'un cercle fermé à l'intérieur d'un plus grand cercle, l'absorption du grand cercle dans le petit, l'explosion, le développement de celui-ci au fur et à mesure que celui-ci entrera dedans. Mais il y aura déjà une base dont l'éther sera respecté. L'homme découvrira que c'est l'énergie en lui qui détermine ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas en fonction de cette école. C'est l'énergie en lui, sa vibration, autrement dit. Autant les lois qui gèrent l'organisation humaine, les lois de l'évolution qui gèrent l'organisation humaine sont réglées de l'extérieur, autant les lois qui gèrent l'organisation humaine consciente sont gérées de l'intérieur. C'est un point de référence. Sont totalement gérés de l'intérieur. Totalement gérés. Regardez ce qu'ils disent. Les âmes conscientisées ne pourront côtoyer que ceux avec lesquels ils ont du plaisir. Si on fait une analyse de ce qu'ils disent, ceci veut dire que si vous êtes poigné, le temps vous dépoignera. Attendant, ce n'est pas à ceux qui ne sont pas poignés de vous subir. Parce que quand je dis que l'homme aujourd'hui, nous sommes dans un temps assez jeune encore, mais quand je dis que l'homme doit se construire quelque part dans le monde, un sanctuaire quelconque, surtout pour la fin du siècle, parce que le sanctuaire est pour la fin du siècle, il y aura énormément de forces occultes, actives et créatives dans ce temps-là. Ce que nous faisons, ce que nous ferons au cours des années qui viennent, c'est en vue de ça. Et autant aujourd'hui vous avez encore, ou vous êtes encore sous l'impression spirituelle, autant demain vous ne serez plus dans cette impression. Autant demain vous aurez fait 360 degrés, vous serez retourné à la matière et vous vous organiserez pour vivre comme du monde. Alors, vivre comme du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir des relations plaisantes avec ceux avec qui vous êtes en harmonie vibratoire. Vous amuser ensemble, relaxer ensemble, parler ensemble, faire ensemble, construire ensemble. Moi, je m'entends avec tout le monde. Je peux parler avec tout le monde. J'aime bien tout le monde. Mais pas tout le monde peut s'entendre avec tout le monde. Et c'est ça la différence. Et ça, c'est normal. C'est pas facile de présenter ça parce que ça impose des conditions. Mais les conditions, ça fait partie de l'organisation de l'intelligence, le pouvoir organisationnel de l'intelligence. Et il ne peut pas y avoir de faille dans ce que l'intelligence fait. Donc, si l'ego n'est pas ajusté, il doit attendre. Et sur 2000 personnes, c'est pas tout le monde, c'est comme tout le monde. Y a beaucoup de gens encore qui sont pas encore suffisamment dans leur intelligence pour pouvoir fonctionner librement, facilement, sans heurts. Donc, le plan va très loin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je n'aime pas tellement parler du plan, parce qu'il va très loin. Et tout revient au fait que nous avons des idées. Il y a des gens qui ont des idées. Et c'est le phénomène de l'idée qui va faire en sorte que des individus ne pourront pas facilement fonctionner à l'intérieur d'un cercle humain conscientisé. Parce que dans ce cercle humain conscientisé, les idées sont très, très amoindries. Ou s'il y a des idées qui passent, elles sont passées finement parce qu'il y a suffisamment d'intelligence ou de tempérament égal à la créativité de la personne réelle. C'est très subtil, l'éther. L'éther d'un endroit, l'éther d'un lieu, l'éther d'un club, l'éther d'un. Je sais pas, moi. C'est très subtil. Les forces de l'intelligence ne permettront jamais que ce qu'ils créent sur le plan matériel se détruise, se désintègre. Donc, ils empêcheront que des égos qui ne sont pas encore ajustés puissent faire interférence. Et leur régime est absolument rigide. Absolument rigide. Ils disent, nous voulons que la nouvelle conscience soit à l'aise chez les hommes. Autrement dit, que les hommes soient à l'aise entre eux. Vous devrez continuer à supporter notre lumière lorsque Bernard Montréal ne sera plus parmi vous. En tant que je suis là. Je suis là, mais quand je suis plus là, il faut que ça continue. Faut être là tout le temps. Alors, ils vont s'assurer que lorsqu'ils vont former des conditions matérielles ici pour que l'homme puisse former cette école, ce centre d'énergie, qu'il le situe n'importe quoi, que ce soit au Québec, que ce soit dans les Caraïbes, ou que ce soit en Amérique du Sud, Où ils situeront ce centre, les hommes doivent être totalement en harmonie les uns les autres. Autrement dit, ils doivent être réellement des amis et non plus des êtres spirituels. Les amis ensemble, ça s'amuse. Qu'est-ce que ça veut dire s'amuser? Ça veut dire avoir le pouvoir de l'esprit sur le plan matériel, bien ajusté. Pas une église, cette affaire-là. Et l'intelligence est tellement libre de spiritualité que c'est justement là, c'est la spiritualité qui créera les conflits entre les gens conscients. Plus vous avez de spiritualité, plus vous créerez des conflits avec les gens qui n'en ont pas ou qui ont dépassé ce stage-là. C'est ça qui fera la séparation et qui fera en sorte que ce centre aura un endroit fermé. Pour que la spiritualité ne contamine pas l'exercice libre de l'esprit. Se comprend-tu, non? Ouais. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Ça va vous faire comprendre ce que je veux dire. Nous avons une amie ici dans la salle. Le dirai pas. J'ai fait une expérience dernièrement. Suis allé avec un certain nombre d'amis chez un ami qui a un club en ville. Et le club en ville, c'est un club d'homosexuels. L'ami dont je parle n'est pas homosexuel. Sa femme non plus. Ils ont un club qui va très bien. Et on a invité un certain nombre de personnes conscientes dans ce club. Et on a passé des heures et des heures et des heures jusque très tard dans la nuit à s'amuser. On a eu beaucoup de plaisir. On a parlé. Et de toutes mes années depuis la fusion, je n'ai jamais eu autant de plaisir social que j'ai eu autour de cette table dans un club homosexuel. Autrement dit, la forme était grosse. Hein? Mais nous autres, c'est pas la forme. C'est le plaisir d'être dans un endroit où il n'y avait pas de violence psychologique. Et la raison pour laquelle j'ai invité des gens là, c'est parce que quand tu es spirituel, tu n'es plus dans la forme spirituelle, puis tu t'en vas dans un club homosexuel, ça trouble la part. C'est pas une place pour les sœurs. Mais si la sœur n'est pas capable d'aller dans un club homosexuel puis s'amuser à table avec d'autres personnes conscientes, elle est encore pognée. Elle restera dans le couvent. Alors, c'est une façon à l'intelligence d'éliminer les gens qui ne sont pas prêts à s'amuser dans la vie et qui sont encore pognés dans la forme spirituelle. C'est subtil, hein, maudit. C'est subtil. Sont intelligents. Puis on n'a rien vu encore. On n'est plus au stade de la méditation transcendantale avec eux autres. Ils se serviront de tout. Ils se serviront de tout pour tester votre subjectivité. Et si vous en avez, vous serez totalement en quarantaine. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pas grave. Et ceux qui pourront passer à travers la forme vivront très bien. Beaucoup de plaisir social, beaucoup de plaisir. Tu peux parler de la conscience cosmique d'un homosexuel homosexuel comme tu peux parler des raisins et du vin. Alors, l'intelligence est très subtile. Et c'est manifestement intéressant parce que je ne me rappelle pas avoir eu autant de plaisir avec autant de personnes dans un lieu qui est aussi différent que les lieux que nous connaissons en société. Mais n'oubliez pas une chose, c'est du monde comme nous autres, ce monde-là. Puis n'oubliez pas une chose, ils sont bien moins violents psychologiquement que nous autres. De l'atmosphère calme, relax, relax, pas nécessairement calme, relax, plaisant. Une bonne expérience. Depuis ce temps-là, j'y vais. Trois fois, j'y vais. Comment ça, aimer ça? Tu relaxes! Mais pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour vous faire comprendre une chose. C'est que connaissant l'intelligence comme je la connais, connaissant la mécanique, comment ça fonctionne, l'intelligence, je peux vous assurer qu'au cours des années, nous serons mis dans des conditions d'expérience, de vie qui serviront à notre bien-être. Mais si on est pogné dans la forme et qu'on juge la situation avant de la vivre, on perdra de ce bien-être-là. Ça, c'est comme quand je disais à Adeline, c'est pas les presbytères d'église que je veux faire des conférences, c'est dans les hôtels. La mafia va dans les hôtels, moi j'aime ça aller dans les hôtels. Toujours la destruction de la forme spirituelle. Parce que le problème avec l'homme spirituel, c'est qu'il a perdu sa notion de vie. Il est seulement dans la notion de la recherche spirituelle. Un jour, il faut qu'on vive. Alors, le plan, il faudra jamais que vous soyez abasourdi par le plan, parce que le plan, c'est eux autres qui le construisent. Si vous n'êtes pas capable de prendre le plan parce que c'est un petit peu trop fort pour vos rêves, vous attendrez. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le plan, il est beaucoup plus coordonné que vous pouvez vous imaginer à la réorganisation et à la réintégration à l'homme dans la matière, avec cette différence que l'homme éventuellement aura les pouvoirs dans la matière, que l'élaboration d'une structure purement insipide et spirituelle. Je ne sais pas si vous pouvez saisir ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est ça que je veux dire. On dirait que quand on est inconscient, on vit et on n'apprécie pas la vie. Quand on est conscientisé, on vit et on apprécie la vie. D'une autre façon. D'une autre façon. Je vous donne l'exemple de Colette, mon enfant. On l'a quasiment forcé à aller aux Bermudes avec Gisèle. Pour se reposer. Elle est revenue, là. Elle a vu d'autres choses. Elle avait retourné. Ah, elle a retourné. On est tous de même. On a des œillères toute notre vie. Nous, on est ensemble. Une conférence. On n'est pas pour être d'une conférence toute notre crise de vie. Comment ça veut dire? Un jour, tu prends un verre ensemble, tu te sies, tu manges, tu joues au poker. Hein? Tu peux parler de la conscience, t'es même pas intéressé dans ce temps-là, tu joues au poker. Tu sais? Le lendemain, tu parles de la conscience. Mais il y en a qui veulent parler de la conscience tout le temps. Ils en mangent, ils en rêvent de la conscience. Ils jouent jamais au poker. Oui, vas-y. Comme ça, vas-y. Puis l'endroit que je vais aider à monter, c'est un endroit qui va être très social. C'est pas une église. C'est pas une église. Ça va être beaucoup plus un club privé qu'une église. Privé, fermé. C'est quelque chose de bien, de beau, plaisant. Pas une cabane en bois rond. Mais c'est la souffrance qui nous amène. En tout cas, c'est la souffrance, moi, qui m'a amené à comprendre beaucoup de choses. Et comme j'ai souffert plus que l'homme en général, ça me permet de construire des choses, de faire des choses que l'homme pourra apprécier dans son temps. Alors, quand vous entendrez parler d'un endroit quelque part dans la province où pour nous autres, ce sera un endroit qui sera bien. Ceux qui ont visité les Rosecoins, le centre des Rosecoins en France, c'est pas une chiotte. Pas une chiotte. Les temples franc-maçonniques, c'est pas des chiottes. Ce que je vais faire, ça ne sera pas une chiotte. J'en parle de temps en temps comme ça pour vous amadouer. J'ai l'intention d'avoir une méchante table de poule là-dedans. On va avoir une petite salle de conférence, on va en avoir des conférences. Toute la bibliothèque des cassettes va être là. Des petites salles d'écoute. On va s'occuper de votre spirituel. Je suis allé voir le grand centre Steinberg à Sainte-Agathe, une place immense. L'ancien Palomino Lodge. 320 acres de terrain. Privé. Je ne dis pas que c'est là. Mais je vous donne un peu de mes goûts. D'ailleurs, ils ne veulent pas le dire, ça va être. Mais je sais que ça va être très beau. Ils sont fassés en haut. moins, les gens pourront se rencontrer là, les gens pourront s'amuser, relaxer. Là. Ça fera comme quasiment un hôtel privé pour eux. Des chambres, peut-être que c'est. Ça, c'est le début. Éventuellement, il y aura un autre endroit dans les îles aussi, dans le sud. Quand vous allez en vacances, au lieu d'aller hors des îles, vous allez chez vous. Continuez à parler de conscience. Dans l'eau. Pas les idées qui manquent.